Question 40. Le contrôle technique d'un véhicule neuf s'effectue 6 mois avant la date anniversaire de sa 2e année. Réponse A. De sa 4e année. Réponse B. La fréquence des visites suivantes est de 2 ans. Réponse C. 3 ans. Réponse D.